À l'occasion du 5e anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, le Parti progressiste du peuple du Nigeria a inséré dans son page d'internet un numéro spécial. L'auteur y a expliqué la portée de l'essai coréen d'explosion de l'ogive nucléaire réussi en septembre dernier et affirmé que la technologie atomique de la Corée est arrivée au niveau suprême.